tout est propre. En la cité, la mort habite nos ruelles. Sous un soleil radieux, dans un ciel d'été, en l'homme, disparaît la pure civilité, tout à se protéger d'un ennemi cruel. Dans mon enfermement, je vois briller les murs de ma cour, inondés d'un éclat printanier. Tout est propre, tout luit. Des désirs buissonniers bruissent dans mon esprit en de tentants murmures. J'ai envie de sortir, de quitter ma prison, pour sentir le printemps qui naît là, sous mes yeux. Mais mon corps s'affaiblit et je me sens si vieux. Je lui en veux tellement de cette trahison. Alors je pars en rêve, enivré de couleurs, loin de ma triste peur au goût de boue saumâtre, pour enfin retrouver dans l'air où je folâtre le doux parfum grisant et renaissant des fleurs.